chercha la face de l'Éternel son Dieu et n'en trouva pas trace ni dans le vent violent a brisé les rochers ni dans le tremblement de la terre pétrifiée ni dans le souffle ardent d'un immense brasier mais dans un doux murmure si doux et si léger. Chercha la face de l'Éternel son Dieu et le vit face à face. Il était dans un souffle léger comme la brise, caresse d'une plume si douce pour la promise. Manifestant aux hommes son amour à jamais. Il était dans un souffle léger comme la brise, caresse d'une plume si douce pour sa promise. Il était dans le calme et la tranquillité, manifestant aux hommes son amour à jamais, à jamais.